Depuis matin relevé, tombé fait jalousie. Et puis tombé babillé, tant couvier sauce ici. Ou levé ou sorti, ma grande côté ou allé. C'est doué l'en voisinage, ou al ramassé tripotaille. L'on retourne pita, Djolou tout l'on gossa. Pas que mon qui parle, et puis ou tombe relé. Chaudier pas j'en monte, l'envie fouillé dit feu. Grand cours à bétuyé, m'senti pas capable. Chaque 9 mois l'hôpital, non salle maternité. Ou maman c'est que tu moun, ou candidat pour 6e. Pas qu'on goûte sa pralé, puisqu'on pas v'lé rété. Ça sent miséricorde, moi vini fourré comme. Ou gayon vie pratique, son machin à cassant. Acheter crédit tout le temps, et puis ou pas v'lé payer. Pour lui mander ou l'argent, pour voyer l'y côté. Tant qu'on va jamba ou sans façon pour émerder moi. Faut que moi t'aimer des crans, crans pour pas salmanar. Et puis faut que moi t'abrave, plus voir passer guédé. Pour me t'es capable qu'un bé, à qui une femme décloquée. Qui pas moins 5 timoun, qu'un 2 qui pas pour moi. Au bon mon vieux beau frère, qui pas jamble travail. Toute la journée chita, tant qu'on l'a payé caille. Manger pas jamassé, beau frère manger en pile. Ma chaîne a quitté ça, me senti pas capable encore. Senti pas capable encore. Pas foutre, capable encore. Allez, ouvrez.